Chapitre 21. Quelque temps après, Jésus apparut de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Nous aussi, lui dirent-ils, nous allons avec toi. Ils partirent donc et montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus parut au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris du poisson, jeunes gens ?»« Non, lui répondirent-ils. » Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il mit son vêtement, car il s'était déshabillé, et se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. « Venez manger !» leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, et il leur donna aussi du poisson. C'était la troisième fois que Jésus apparaissait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis, lui dit Jésus. Je te le déclare. En vérité, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et rendre gloire à Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Pierre le vit donc et dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » La nouvelle se répandit alors parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit à Pierre, « Il ne mourra pas, mais bien, si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. » C'est ce même disciple qui rapporte ces faits et les a mis par écrit. Et nous savons que ce qu'il affirme est vrai. Jésus a encore accompli beaucoup d'autres actions. Si on les racontait par écrit l'une après l'autre, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait.